Vous croyez au fait que les opposés s'attirent? Je les trouve personnellement très utiles pour apprendre du vocabulario. Regroupons-en quelques-uns et utilisons-les dans des exemples. On sait par exemple que « bon » se dit « bueno » et « mauvais » « malo ». Vous connaissez aussi « fácil » « facile » et quel est son contraire? Bien sûr, c'est « difícil ». Le mot pour « petit » en parlant de la taille est « bajo » et pour « grand » c'est ça « alto » au masculin et « alta » au féminin. Il existe aussi le mot « grande » mais celui-ci ne sert pas à désigner la taille de quelqu'un, on l'emploie pour désigner un volume, des mesures. Par exemple, « cette chambre est grande » se dit « Esta habitación es grande. Ou, cette voiture est grande. Este coche es grande. Son contraire est pequeño. Et on utilise aussi pour décrire un volume. Este coche es pequeño. Cette voiture est petite. Si vous utilisez grande pour décrire une personne, vous indiquerez qu'elle est grande de taille et qu'elle a une forte carrure. Je vous rappelle que pour dire juste que quelqu'un est grand, vous devez employer « alto ». Le mot « grande » a un comportement assez curieux, vu qu'il devient « gran » à la fois devant les noms masculins singuliers et féminins singuliers. On dit par exemple « tiene una gran casa con un gran jardín ». Il a une grande maison avec un grand jardin. Voici des contraires que vous connaissez déjà. Si « cousin » se dit « primo », P-R-I-M-O. Comment direz-vous? Mon cousin Juan est vieux. Il n'est pas jeune. Mi primo Juan es viejo, no es joven. C'est une sacrée vérité de la palisse. Mi primo Juan es viejo, no es joven. Maintenant, si mes parents se dit mis padres, comment direz-vous? Mes parents sont grands, ils ne sont pas petits. Mis padres son altos, no son bajos. Mis padres son altos, no son bajos. Vous connaissez donc déjà les contraires joven et viejo, rico et pobre, alto et bajo, más et menos. Donc, nous n'allons pas le revoir. Voyons un autre. Si premier se dit primero, P-R-I-M-E-R-O, et dernier, ultimo, U accent aigu, L-T-I-M-O, comment direz-vous « j'étais la dernière » Era la última. Era la última. Si vous êtes un homme, vous direz « era el último ». Dites-moi maintenant, il est arrivé en première position. Llegó en primera posición. Llegó en primera posición. Le contraire de dernier, último, peut être aussi prochain, próximo. P, R, au accent aigu, X, I, M, O. Si on pense par exemple à semaine dernière et semaine prochaine. Donc, si la prochaine fois se dit la próxima vez, comment direz-vous la prochaine fois, j'arriverai tôt? La próxima vez llegaré temprano. La próxima vez llegaré temprano. Et si long se dit largo, L-A-R-G-O, et court, corto, C-O-R-T-O, comment direz-vous « j'espère que ce sera une réunion courte et non longue » Attention, ici, vous espérez quelque chose. Espero que sea una reunión corta y no larga. Espero que sea una reunión corta y no larga. J'espère aussi que vous avez bien dit « espero que sea ». Même si en français, on a « j'espère que ce sera ». En effet, « espero » exprime un souhait. Donc, on utilise le subjonctif en espagnol. Notez aussi que « largo » est un faux ami. Il signifie toujours « long » et jamais « large ». Large se dit ancho, L-E-N-C-H-O. Le contraire de lento, L-E-N-T-O, lent, est rápido, R, accent aigu, P-I-D-O, rapide. Donc, en utilisant tren, T-R-E-N pour train, comment direz-vous? Ce train est rapide. Este tren es rápido. Este tren es rápido. C'est mieux qu'un train lent, hein? Un tren lento. Maintenant, quand quelque chose est clair, on utilise claro, C-L-A-R-O. Et quand il est obscur, hein? Oscuro, O-S-C-U-R-O. Hein? Oscuro, sans B. Sachant que bleu marine se dit azul marino, hein? Azul, A-Z-U-L, plus loin, marino, M-A-R-I-N-O, dites, le bleu marine est une couleur obscure. Attention, color est masculin en espagnol. El azul marino es un color oscuro. El azul marino es un color oscuro. Traduisez-moi maintenant en utilisant cielo, C-I-E-L-O, pour ciel, le bleu ciel est une couleur claire. El azul cielo es un color claro. El azul cielo es un color claro. On avait parlé de notre voiture verte hein, qui était sale, ou sucio, hein, au masculin. Donc si propre se dit limpio, L-I-M-P-I-O, hein, pensez à limpide en français, traduisez, ma maison est propre, mais ma voiture est sale. Mi casa está limpia, pero mi coche está sucio. Mi casa está limpia, pero mi coche está sucio. Courageux se dit valiente. V-A-L-I-E-N-T-E. Hein? Pensez à vaillant. Son contraire, lâche, se dit cobarde. C-O-B-A-R-D-E. Pensez au mot couard en français. Donc, comment direz-vous? Mon frère est lâche, mais ma sœur est courageuse. Mi hermano es cobarde, pero mi hermana es valiente. Mi hermano es cobarde, pero mi hermana es valiente. Notez que les mots se terminant par un E, comme valiente, ne s'accordent pas au féminin. Et si lourd se dit pesado, P-E-S-A-D-O, comment diriez-vous en parlant d'une chaise, silla, S-I-2-L-A, elle n'est pas lourde. No es pesada. No es pesada. Le contraire de pesado est ligero. L-I-G-E-R-O. Léger. Un autre petit exemple. Vous savez que cher se dit caro. Eh bien, bon marché, pas cher, se dit barato. B-A-R-A-T-O. Donc, comment diriez-vous en utilisant ordenador? O-R-D-E-N-A-D-O-R pour ordinateur. Je vais acheter un ordinateur pas cher. Quiero comprar un ordenador barato. Quiero comprar un ordenador barato. En Amérique latine, l'influence de l'anglais étant plus importante, hein, on dit plutôt computadora, C-O-M-P-U-T-A-D-O-R-A, ou computador. C-O-M-P-U-T-A-D-O-R, au lieu de ordenador, qui est d'origine latine.